Podzob, le label des gens couillus. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Dimanche. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, il y aura mes réponses au corbeau vis-à-vis de Wake Up Dead Man et Running Man. Je vous spoil déjà, mais grosso modo, on va être un petit peu sur la même longueur d'onde. Comme quoi, ça arrive qu'on soit d'accord, et même peut-être plus souvent qu'on ne le veut bien l'admettre. Bref, n'empêche que au menu aujourd'hui, le corbeau va nous parler de The Rip, donc le nouveau film d'action made in Carnan Netflix avec Matt Damon et Ben Affleck. Sur le papier, ça a l'air pas mal, en plus il y a un petit rôle de Scott Adkins, donc on verra bien ce que le corbeau a à en dire. Ensuite, je vous parlerai de Wake Up Dead Man, et ensuite, histoire de ne pas faire que dans la redite, je vous proposerai un peu de nouveautés et je vous parlerai de Puppet Master. Oui, c'est pas vraiment une nouveauté, mais en tout cas, personne n'en a encore parlé ici jusque-là. Et enfin, pour terminer, je parlerai donc de Running Man, et je le place exprès en dernier, parce que bah, j'ai un peu spoil comme un cochon la fin, parce qu'effectivement, c'est un gros problème. Voilà, donc je vous propose déjà d'écouter le corbeau nous parler de The Rip, et je reviens après. Je vais vous offrir un peu de sagesse. Comme le disait mon père, avant de me foutre une calotte, goûte avant de dire que tu n'aimes pas. Ah, les années 80, c'était autre chose. Bref. J'étais un peu circonspect en découvrant ce film. Matt Damon, Ben Affleck, Joe Carnahan à la réal, mais Netflix à la prod. Je me disais, encore beaucoup de gens qui ont vendu leur cul. Et puis je me suis souvenu du dernier à couteau tiré. Même configuration. Puis quand même, Joe Carnahan. Même s'il a fait dernièrement Cop Shop et Boss Level, très oubliable, mais bon, qui suis-je pour ne pas lui laisser une chance? D'ailleurs, je suis connu pour ma mansuétude. Tiens, Nostal vient d'avaler sa bière de travers. À son âge, c'est courant les fausses routes. Est-ce qu'ils vendent de la bière en gelée? Bref, sur ces interrogations métaphysiques et de cinéphiles, je vais tout de suite répondre à la question, c'est un grand oui. Alors je tempère un tout petit peu. Ce n'est pas original pour un sou, mais c'est propre, carré, 115 minutes qui filent comme ma jeunesse. Ça ne tortille pas du cul pour chier droit, un polar qui fait du bien, rondement mené. Ça ne réinvente pas la roue, mais ça nous offre un bon moment. Avec des acteurs quasiment tous impeccables, et malgré une fin un peu cucu. Mais bon, ça passe. Cette histoire qui mêle narcotrafic et ripou, avec des flics censés récupérer l'argent d'une planque, et qui se retrouvent prise au piège, est le petit plaisir de ce début d'année. Pour un mauvais choix d'acteur comme Kyle Chandler, vous savez, le mou de veau qui jouait dans la série Demain à la Une, on a le droit à un petit rôle pour notre copain Scott Adkins. Ne vous emballez pas, il ne lève pas la patte. Mais ça fait quand même plaisir de le voir. D'ailleurs, ma femme ne le connaissait même pas. Quelle honte. Heureusement que dans la famille, je relève le niveau. Bref, vous l'avez compris, à voir, c'est du tout bon. Et ben voilà, il me connaît bien le pépère. C'est vrai que j'ai failli avaler ma bière quand j'ai entendu parler de mansuétude. Enfin, et sa femme qui connaît pas Scott Adkins. Ratatatata, quelle déception. Vraiment, je tombe de haut. Il l'a mal éduqué cet homme. Bref, sur ce, allez, à mon tour, et donc j'ai dit que j'allais vous parler de Wake Up Dead Man. Et voilà une série que je n'avais pas vu arriver à l'époque, quand est sorti à couteau tiré, et pourtant je l'ai trouvé très bon, excellent même, mais je ne pensais pas que j'attendrais le troisième volet impatiemment quelques années plus tard. Après la famille d'arrivistes, après les trous ducs de la tech, mon mépris ne se sent pas trop, j'espère. Maintenant, Benoît Blanc doit frayer avec ce qui se fait de pire dans le genre humain, ce qui exclut les furoncles de la tech, de fait, les grenouilles de Minichi. Et celles-ci sont plutôt du genre toxique. L'enquête, comme toujours, est bien ficelée, se laisse suivre avec entrain et se permet même de s'amuser avec ceux qui se croiraient plus malins, comme moi. Mais le plus gros intérêt des enquêtes de Benoît Blanc, hors l'enquête elle-même, c'est le casting. Et ici, on retrouve cette fois encore Daniel Craig dans le rôle de Benoît Blanc, et c'est un plaisir de le voir s'amuser autant. C'est un très bon acteur qui a été enfermé dans un rôle qu'il a minimisé. Et oui, encore un. À ses côtés, on retrouve Josh Brolin dans un cosplay de Kris Kristofferson, incroyable en prêtre fanatique, Glenn Close, discrète en bigote dévote, toujours dans l'ombre du prêtre. On trouve aussi au casting Jérémy Renner, dont l'honorabilité peut être remise en question ces derniers temps, et qui livre une prestation un peu molle mais tout en cohérence avec le rôle. Ou encore Thomas Haden Church en cosplay de Don Johnson dans le rôle du jardinier plutôt relax. On notera aussi la présence de Mila Kunis dans le rôle de l'officier Scott, apportant un peu d'humanité derrière l'uniforme. Et enfin, révélation du film selon moi, Josh O'Connor, excellent dans le rôle du faux coupable Candide, Pendant masculin parfait d'Anna de Armas dans le premier volume. Bon bah voilà, vivement le quatrième volet. Voilà, bon, je l'avais dit, le corbeau et moi, on est à peu près raccord. J'en dis pas autant que lui quand même, mais j'ai vraiment adoré cet épisode et le casting est absolument incroyable, comme dans tous les épisodes d'ailleurs. Bon, maintenant parlons un peu de Puppet Master, et j'ai un rapport un peu étrange avec cette série. D'abord, j'ai eu un trauma d'enfance avec un film de poupée tueuse. Je n'en ai que des flashs, et donc depuis 30 ans à peu près, je regarde plein de trucs plus ou moins bien, plutôt moins d'ailleurs, avec des poupées tueuses, sans trouver le bon. Et spoiler, eh ben c'est pas Puppet Master. Dans cette quête, j'avais déjà vu le très médiocre épisode 7 et 8, je crois, ainsi que le rétro Puppet Master. Et bien que les films n'étaient pas bons, j'avais bien aimé, on va dire, le design des puppets en question. Et là, pour cet Halloween, eh ben, je me suis fait le premier. Il est sur YouTube d'ailleurs, en qualité bon, pas terrible, mais si on le regarde par exemple sur le téléphone dans le bain, ben, ça fait le taf. Et sans surprise, eh ben, c'était pas mal du tout. Une très bonne série B, avec des créatures au design top, un thème musical que j'aime beaucoup, et des nazis vraiment méchants dès le début. Nazis méchants, hein? Oublions pas. Bien sûr, il y a quelques défauts, ça ne joue pas très bien, le rythme est globalement mou du cul, et le film n'en manque pas, de cul, justement. On a pleinement affaire à un produit de son temps, d'une époque où Charles bandait encore, une époque où il produisait des séries B d'artisans avec un peu de cœur et de talent, et pas des énièmes et Villebong et autres saloperies de Ginger Denman 8. Bref, un film à l'ancienne qui respecte son spectateur, son cahier des charges et offre même un petit bonus visuel avec ses puppets. Et si je vous en parlais un peu plus? Dans cet opus, elles sont au nombre de 5. D'abord, Blade, le charismatique leader, clairement inspiré du Giallo avec son impère, son crochet et sa lame. Ensuite, Pinhead, un colosse à petite tête mais aux mains énormes qui étrangle ses victimes. Puis Madame Leech, une femme qui peut cracher des sangsues affamées. Particularité un peu crado mais exotique. Et pour finir, le tunneleur avec une perceuse sur la tête et le gesteur au visage tournant. Une chouette équipe et je pense bientôt me faire le 2 et le 3. Pour les autres, j'avoue que le 7 et 8 m'avait quand même bien froidi, mais ça va risque de se faire. Et voilà, après avoir parlé de Puppet Master, on va maintenant attaquer le sujet qui fâche. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu encore Running Man, je vous conseille de quitter les deux branques maintenant, parce que je vais spoiler comme un cochon, mais si vous voulez quand même écouter une petite partie de mon avis, d'ailleurs la grande partie de mon avis, puisque je ne spoil la fin qu'à la fin de ma chronique, je peux vous laisser écouter jusque là, et je referai un avertissement pendant la chronique. Bref, allons-y et donc revenons sur le cas épineux de Running Man. Je crois bien que c'est un des premiers Stephen King que j'ai lu au collège, et autant dire que ça commence à dater maintenant, et je l'avais particulièrement apprécié, surtout pour sa noirceur et son côté jusqu'au boutiste, c'est quelque chose que j'aime bien ça. Après, j'ai découvert le film avec Schwarzy et je me suis senti à la fois trahi et franchement diverti quand même. Le qualificatif mongolo pouet-pouet donné par le corbeau me paraît tout à fait indiqué pour qualifier ce métrage. Bon, tout ceci étant dit, que vaut la nouvelle version? Alors, je dois admettre que mes souvenirs du bouquin datent un peu, sauf la fin qui m'a marqué. Alors, je suis pas le meilleur pour juger de l'adaptation, mais je la trouve pas mal. Un peu édulcorée dans la noirceur, certes, mais rythmée, bourrine et plutôt agréable à suivre. Je ne vois aucun souci de ce côté-là. En revanche, côté casting, Josh Brolin est vraiment excellent, ok, et entre Wake Up, Dead Man et ce film-ci, il campe deux incroyables antagonistes. Par contre, le choix de Glenn Powell pour jouer Ben Richard, un monsieur tout le monde, usé, fatigué, mal nourri, non, c'est un bon acteur, pas de souci, hein, mais son physique d'action star et son sourire carnassier en font un prédateur dès qu'on l'aperçoit. Pas moyen de le voir comme une proie, impossible. Gros miscast pour moi. Maintenant, parlons du vrai gros problème du métrage, et là, comme je vous l'ai dit, je vais vous laisser quelques secondes avant de spoiler le film. J'ai pas la musique d'ascenseur comme le corbeau, donc permettez, je vais vous faire un petit son à la bouche en attendant. Bon, en tout cas, le temps est passé. Voilà, j'espère que c'était bien, que vous êtes partis. Maintenant, je vais spoiler comme un cochon. Autant l'idée de la manipulation au sujet de sa famille peut être pertinente, de même, le refus de sa mort par des complotistes et l'utilisation de son nom comme canaliseur ou détonateur est cohérent avec le reste du métrage, et la révolution qui en découle est très plaisante, peut-être même plus que la fin originale. Mais c'est sans doute dû à mon envie de tout voir brûler en ce moment. Mais quelle connerie de faire ce happy end de merde. Faire revenir Ben Richards, qu'il retrouve sa famille, tue Killian et vive heureux jusqu'à la fin des temps, mais quelle idée de merde. Juste... Putain, c'est vraiment con, parce que juste quelques plans, moins de 2 minutes de métrage qui ruinent tout le film et son sujet. Voilà, bah grosso modo, je suis encore assez d'accord avec le corbeau. Lui, il voyait toute la fin comme un truc complètement stupide, etc. J'irai pas jusqu'à là, je pense même qu'il y a des points qui sont très pertinents. Mais le fait de ne pas faire mourir Ben Richard et de le faire revenir par magie, retrouver sa femme et tout, putain non. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces chroniques vous ont plu, que ces petites minutes banques vous divertissent. Ou nous retrouver bah, toujours sur le flux des minutes banques, dans la gazette Galaxy Pop. Et puis, ben voilà, moi on me retrouve sur le flux nostalgique, sur le flux blindcast, sur le flux pote de la crypte, même si ce n'est pas ma voix, c'est mon écriture. Et c'est déjà pas mal. Ah si, on me retrouve aussi chez Mergreen pour parler de Desproges. Je suis un peu partout quand même en ce moment, et bientôt, je vous l'annonce, il y aura un podcast consacré au Disque Monde. Voilà. Et bien sur ce, bon dimanche à tous. Salut. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.